Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Que se passe-t-il dans le salon de Monsieur de Dietrich, le maire de Strasbourg, dans la nuit du 25 au 26 avril 1792? En l'honneur de l'équipe de France, avec le ténor Charles Ferré, la Marseillaise. Rouget de Lille, pour la première fois, joue et chante ce qui deviendra la Marseillaise. Ce capitaine du génie a l'ambition d'écrire un chant de guerre pour l'armée du Rhin. Un général le publie à Marseille, avec un titre plus ambitieux, Chant de guerre des armées aux frontières. Les fédérés de Marseille l'entonnent lors de leur entrée triomphale aux Tuileries, le 30 juillet 1792. Le chant devient la Marseillaise et le 14 juillet 1795, l'hymne national, illustrant ainsi l'unité nationale qui, de Marseille à Paris, engage les patriotes à défendre leur territoire, à faire couler le sang impur et à se battre contre la tyrannie. Sang impur. Il a fait depuis couler beaucoup d'encre. Trop violent, politiquement incorrect, le chant révolutionnaire sur tous les champs de bataille de l'Europe ne plaît pas à l'empereur Napoléon Ier qui lui préfère le chant du départ. Les Bourbons, les Orléans, nouveaux rois de France, suppriment cet hymne qui, pour eux, symbolise la violence du peuple contre l'ordre monarchique. Et c'est la Troisième République qui rétablit la Marseillaise comme hymne national le 14 février 1879. Pour le premier centenaire de la Révolution, on adopte en 1889 une version officielle dont Hector Berlioz avait écrit auparavant l'orchestration. C'est pour cette raison que la Marseillaise devint au fil des siècles l'hymne des révolutionnaires, non seulement sous la courte Deuxième République en 1848, mais aussi en Russie, où il devint le chant des bolcheviks, la Marseillaise des travailleurs, avant l'Internationale, chant d'origine française lui aussi. L'Espagne, pendant la guerre civile, Mao Tse-Tung pendant la longue marche, Allende au Chili, font chanter à leur tour la Marseillaise. La Marseillaise est aujourd'hui l'un des hymnes les plus connus dans le monde. Le maréchal Pétain, durant la Seconde Guerre mondiale, tenta de lui substituer son « Maréchal nous voilà », car la Marseillaise, chantée en chœur par les prisonniers, les résistants, les déportés, était devenue, avec le chant des partisans, le symbole de la lutte contre les nazis. Depuis 1945, des polémiques visent régulièrement à remettre en cause soit son statut, soit ses paroles belliqueuses. Mais la loi du 19 février 2005 a rendu obligatoire son apprentissage à l'école primaire. L'article 2 de la Constitution précise son statut d'hymne national et a définitivement consacré sa présence dans toutes les circonstances de la vie publique qui voit nos sportifs, nos hommes politiques, nos musiciens, des foules innombrables, reprendre en chœur ce chant guerrier. Culture française, Django Reinhardt, Serge Gainsbourg et d'autres l'ont chanté à leur manière. Et pour le bicentenaire de la Révolution française, en 1989, c'est Jesse Norman qui enflamma la place de la Concorde.